Et tout de suite, le récap de la veille, réalisé par Jeanne 7. Le silence. Roland Barthes. Ça enregistre ? Non. D'accord. Moi, c'est vite vu si c'est pas pour parler de Foucault, Deleuze, Guattari et Barthes. Je veux pas être interviewé. Hein. C'est mort. C'est Valo. Mais t'en penses quoi du football ? D'un point de vue marxiste, je dirais que si ça éveille l'âme des peuples, on devrait s'y intéresser. Voilà. C'est ça que j'ai à dire. Mais Hegel était une très bonne défense. Un très bon ailier droit. La première raison, elle est toute simple, c'est que j'avais envie d'être ailleurs que dans la maison communale de Plainpalais. Parce qu'il y avait une proposition de Marie et puis de faire quelque chose, mais j'avais envie de sortir. Et le premier lieu qui m'intéressait à proximité, bah, c'était l'église de Saint-François. Je trouve que c'est toujours des endroits hyper chargés, hyper intéressants de travailler avec ce contexte, avec les gens qui y sont, avec en fait, l'attention qui est portée à ces endroits. À la fois, et puis aussi tout simplement l'activité et le calme. Forcément, c'est relativement silencieux, même si c'est relatif. Enfin, j'aime beaucoup en fait l'acoustique aussi, l'architecture, jouer avec cette architecture. Donc il y a un peu tous ces paramètres qui m'intéressent vachement. Et puis évidemment, le frottement entre la question du spirituel, du religieux, de la croyance, de la foi, de toutes ces choses. Ok, je comprends. Je sais pas si... Si, carrément. Et d'où ça devient cette fascination, je sais pas si on peut appeler ça une fascination, ou ce désir de créer des orgues comme ça, et surtout ton désir... Enfin, moi je suis passionnée de basse fréquence en fait, et du coup, bon. Donc peut-être ton lien avec les fréquences basses, est-ce que c'est une question ? Bon, je vais être assez simple en fait. Bon, je pense qu'on aime tous plus ou moins bien les basses fréquences. Enfin, je veux dire, c'est justement cet endroit où c'est à la limite entre le physique et l'audible. Enfin, c'est vraiment une sensation quasiment du toucher, quoi. Et moi, j'adore cette chose-là où, en fait, on prend conscience que le son, c'est un sens aussi du toucher et pas que de l'audition. Puis voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler sur cet endroit où, en fait, on ne sait pas trop si c'est un son qui nous tape dans la tête ou qui nous tape dans le cœur ou dans le plexus ou qui arrive dans nos oreilles. Et puis un peu, ça navigue en toutes ces choses. Et j'aime bien imaginer que la musique peut arriver dans l'endroit du corps, si on ne veut pas que dans l'endroit de l'audition. Voilà. Okay. Après, il y a plein d'autres raisons. J'ai visité un facteur d'orgue une fois, et puis il m'a montré un tuyau d'orgue comme ça, il m'a fait souffler dedans. Et le son de ces tuyaux en bois, parce que c'est aussi hyper spécifique le son du tuyau en bois, m'a complètement, je sais pas comment dire, il s'est passé un truc, il y a eu une résonance, j'en sais rien. Et je me suis dit, waouh, il faut absolument faire quelque chose avec ça, parce que je trouve que c'est... Il y a les basses fréquences, c'est une chose, il y a les basses fréquences avec des haut-parleurs, des subs, il y a les basses fréquences avec des tuyaux d'orgue en métal, en étain, et puis il y a les basses fréquences avec des instruments en bois, comme ça, et c'est encore une autre histoire. Et puis ça m'a... J'ai l'impression que c'est... Voilà, ça m'a vraiment touché. très proche. Après, tu vois ce que ça veut dire, les battements? Non. En fait, quand t'as les ondes, ça s'additionne. Donc, ouais. comme des vagues. Après, t'as des interférences destructrices ou constructrices. C'est-à-dire que si après, t'as une vague qui... Ah oui, je vois très bien ce que c'est. Bah, là, il y a un vent, il y a plus de son, quoi. Voilà. Ça c'est la longueur d'onde avec les nœuds. Ouais. C'est un postulat qu'il a eu. Peut-être que ça marche. Peut-être qu'il y a des nœuds, justement. Il y a des endroits... Je crois que 20 Hz, c'est 17 mètres, non ? Un truc comme ça, longueur d'onde, dans l'air ici. Donc si tu dois tous les 17 Hz. Moi j'ai bien aimé qu'en fait, comme c'est en bois, t'as l'impression que l'air, c'est un matériau, avec les battements. Ils ont vraiment comme un, comment dire, comme quelque chose de physiquement comme presque solide, tu vois, qui bouge comme des blocs, quoi, des blocs d'air. C'est assez dingue, ça, je trouve. Plugged them straight in, it was too clean. But if you plugged it into one and then put the output into the other, you could, if you ramped up the first one full, it distorted it enough to get it. Yeah, because otherwise it just sounded like George Benson, you know. It was sweet. Yeah. It was a kind of a preamp. Yeah. Like an overdrive, really. Dirty filter. Like the world's most expensive overdrive. And most unportable overdrive. Let's go on tour with this one. Maybe you know, one will come up for auction that Hendrix used and it'll go for more, but, you know. Those guys. Yeah, that kind of thing, but yeah. I'm not saying any more with that machine. Sorry. All time. You He's want me to sing? What are you doing with these recordings anyway? I give them to the radio. She puts them in a box and then she sends us messages to put them on the radio. 3 a.m. Like, 3 a.m. quel est son problème? Non, on a parlé. C'était le récap de la veille. On a entendu Richard Youngs. Oui. Et la pièce aussi de Maïkovski. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre extrait? Il y avait Rudy. On a entendu Rudy Desselière parler de son installation qui se trouve à l'église Saint-François, qui est rue des Voisins, donc vraiment tout près du théâtre Pitof. Et visitable de 7h à 22h. Mm-hmm. Allez-y, c'est hors, vraiment... Oui. Hors culte. Hors culte. Ouais. Et oui. Ça, moi, j'ai pas les horaires des cultes. En tout cas. Mais voilà, en tout cas, si vous y allez à 21h30, c'est ouvert. Et apparemment, c'est une heure assez agréable pour... assister voilà. À cette expo, à cette installation. Ou sinon, vous attendez la fin du culte. Aussi. Aussi.